pleure sur les fleurs fanées. Le pot a cassé jadis, il en est devenu affreux. Il a blessé ses pères et blessé ses aînés. Par voix basse j'ai fait gueuler maman, puis j'ai imploré le ciel pour qu'il vienne me reprendre pour mes 14 ans. L'Europiana ou du tweed, l'accoutrement d'un British, le franc parler d'un cas social, j'ai plus le shit la Philippe Maurice. Gros ces personnages, ouais. J'fais deux fois mon âge, à moi tout seul un sacrilège. Foutez mes armes dans le sarcophage, peu importe où je finirai. J'ai mes poings et mes chicots, fils de prolo manieré. Choque les rasslards au stand de tir. Dernier ta green pour l'escrime, pour la bread j'ai un tatang. Vise l'art comme un keuf de patron. J'vise ton aorte, j'vise pas ta jambe. L'autre salope cherche l'attention, voudrait qu'on fasse sa mention. J'cours après le mansion, j'fais pas ton blabla petit garçon. À l'âge de jouer aux billes, j'fumais des clopes, j'sais pas pourquoi. Sûrement que j'avais compris que le monde est moche, c'est mieux de sauter d'un toit. J'ai pas eu les couilles, j'suis toujours là. J'leur fais la guerre, j'suis toujours brave. Sur mes deux mains, j'ai les cathares. Danse comme une folle à la vol d'eau. C'est 3000 mètres à vol d'oiseau. Le 408 j'ai. Crois-moi, ça traverse ton Dacia Duster, ton Rover ou le Cayenne. Toi t'étais où quand ça caillait? Quand sur le bitume je rabattais, comme la petite salope que j'étais. Trop souvent déchiré à l'éther. Pas d'arc-en-ciel au sein de mon monde, c'est moi la flamme au sein des ombres. Ça voulu me pisser dessus, m'éteindre tellement de fois, même plus je compte. Prends des clous, du terreau, du nitrate d'ammonium. Je dépose ça en bas de ton bat, après tes gars font l'anémone. Petite salope, crois-moi, j'ai l'œil pire que celui dans des molles. Moi j'ai grandi sans les anges, pour me bercer c'était mes démons. Je me regarde descendre, je les vois témoins. Les rappeurs de Tému, je vous laisse entre petits trous du cul. Je colle le mien sur la vitre du bus, jusqu'à que tu fasses un accident. Jusqu'à ce que je bec les excédents. Y'a v'là les types qui complotent sur ma gueule, tout tour d'avance depuis. Il a juré les yeux de sa mère, je devrais lui ôter la vue. Chaque jour je cherche la paix comme la grande dame Simata. Ça m'empêche pas de chambrer du 45 dans un vieux gala. Joujou dans la main droite, Nightcore trop beau dans la main gauche. Fais gerber l'opposant en face. J'abats mes cartes quand j'ai la main haute. Le Mustang dans la plaine ne galope pas avec les ânes. Je repense aux sommes sur les contrats qu'il posait pour voler mon âme. Ça me fait rire à en mourir, à en poser deux parfums de ces quatre. Paris ces petits bandes de pédales, on se reverra tous un de ces quatre. Même si je traîne pas beaucoup dans votre satanée ville de merde, là où le merle croit qu'il peut bouffer le faucon, ils sont tous devenus cons. V'là les concours dessus, on dirait c'est un porno gay. Envoie la pause, je vais les baiser comme jamais ils l'ont fait. Je vais les faire jouir du cul, je vais leur jouir dans la bouche. Comme ça ils parleront plus, une tarte aux fesses et à la douche. FM pas de demi-mot, je les baisse sous demi-molle. Recouvrez-moi d'infos avec le Dupont, je m'immole.